Maintenant, on va passer à ce qui se passe en Grèce aussi et toujours par rapport à la situation des exilés. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, hein. Je vais juste vous raconter l'incendie horrible qui s'est passé au camp de la Moria il y a quelques jours sur l'île de Lesbos. Donc voilà, c'est encore de l'horreur, hein, désolé. Mais je pense que c'est important. Enfin, en fait, c'est important qu'on parle de tout ça parce que voilà, c'est ça aussi la réalité et que ça fout les boules. Mais ça fout la rage et que en fait il y a de la nécessité à nécessité à s'énerver plus que 2 minutes et à faire vraiment quelque chose. Du coup là je vais vous lire en entier, je pense que ce sera plus simple. Un article issu du blog de Yanis Yuluntas, encore une fois. Donc c'est blogyy.net. Le titre c'est Une maman qui venait d'accoucher et son nouveau-né brûlé vif. Ça annonce la couleur. Voilà ce qui s'est réellement passé hier soir lors d'un incendie dans le plus grand camp construit par l'Union européenne en Grèce. Donc voilà, c'est intéressant aussi parce que c'est ça, les conséquences concrètes en fait des politiques européennes en termes d'immigration. Voilà. Alors écoutez bien. Voilà, c'est ça qui font nos pays en fait. Une maman qui venait d'accoucher et son nouveau-né brûlé vif. Des lacrymos pour empêcher les migrants d'échapper à l'horreur. Les médias du pouvoir ont tout essayé pour nous faire douter. Soi-disant, il n'y avait qu'un cadavre dans l'incendie. Soi-disant, on ne pouvait pas dire si c'était une femme ou un homme. Soi-disant, il fallait attendre et rester calme. On connaît la musique. En France aussi, pour Rémi, pour Steve et pour beaucoup d'autres, l'État a menti. Et avec lui, les médias sabotent. C'est l'arbin de la propagande, dans le but d'éviter une révolte à chaud. Cette fois, nous avions des sources précises. Alors nous avons tenu bon. Et répété ce que nous savions. Oui, c'est bien une femme et un bébé qui sont morts. Oui, ce que tout le monde savait est enfin confirmé. Pire que ça, c'est une maman et son nouveau-né qu'elle venait d'accoucher la veille, dans le conteneur où le feu s'est déclaré, dans des conditions de vie complètement insalubres et insupportables. Dans ce camp, le nombre de migrants prévus à l'origine par les fonctionnaires de l'Union européenne est de 2600 personnes. Le HCR, qui est le Haut Commissariat aux réfugiés, considère que la capacité maximale est de 3000 personnes. Hein, donc déjà, on en rajoute 400 comme ça, on ne sait pas où. Mais bon, si on entasse du monde dans les coins, on monte à 3000 personnes dans ce camp. Aujourd'hui, le sinistre camp de Moria vient d'atteindre 13 000 personnes. 13 000 personnes en souffrance, bloquées en son sein, soit 5 fois plus que prévu. Donc Lesbos, c'est une des îles en fait où arrivent les exilés, quoi. C'est un des chemins de migration qui est pas mal emprunté. Et du coup, il y a beaucoup d'afflux en fait, de personnes qui débarquent sur cette île. Et du coup, l'Union européenne a mis en place ce hotspot pour parquer les gens en fait, dans ce putain de camp, désolé. Même si les putains n'y sont pour rien. Et voilà, et en fait, ils bloquent les gens là pour pas que les gens justement aillent plus loin en Europe. Voilà. Bref, désolé pour la parenthèse. Mais ce n'est pas tout, comme on peut le voir sur cette photo. Bon, alors là, on ne le voit pas. Et comme le confirment plusieurs témoignages, la police a jeté des grenades lacrymogènes sur les migrants, adultes et enfants, qui essayaient de s'échapper pour fuir l'incendie. Donc là, vous imaginez un camp insalubre où il y a 13 000 personnes qui sont entassées, qui sont quasiment retenues prisonnières, en fait. Un incendie qui se déclenche, les gens qui sont paniqués, qui essayent de fuir l'incendie parce qu'autrement ils étouffent sous la fumée et qu'ils se retrouvent coincés par des flics qui leur balancent des lacrymos. Voilà. Les migrants étaient bloqués en enfer, pris en tenaille entre la fumée toxique de l'incendie et celle des gaz envoyés délibérément par la police grecque. Voilà pourquoi des émeutes ont éclaté de plus belle. Cette situation est complètement scandaleuse, une honte pour tout un continent et ceux qui y vivent. Comment peut-on accueillir des gens comme ça? On peut même pas utiliser le mot accueillir en fait. Nous attendons des nouvelles des blessés emmenés à l'hôpital, au moins 5, dans des conditions obscures et des véhicules qui n'étaient pas des ambulances. Le ministre de l'immigration et le chef de la police grecque viennent d'arriver sur l'île en avion, avec ce qui leur paraît être la solution, c'est-à-dire 3 escadrons supplémentaires de MAT, qui sont l'équivalent des CRS, téléportés à Lesbos depuis l'ouest d'Athènes. Une honte de plus pour un gouvernement grec et des dirigeants européens qui n'en finissent plus de dériver vers les vieux fantômes du continent dans la haine de l'autre, le repli de soi et la surenchère sécuritaire. Pendant ce temps, à Exarchia, le mouvement social défend les squats qu'il a ouverts pour accueillir les victimes de cette politique odieuse. Mais ce matin, à l'aube, l'État n'est pas venu. Après le scandale de la veille, il n'a pas osé reprendre les évacuations. Voilà, alors, je crois que juste avant, il y avait eu aussi des exilés qui avaient été retrouvés morts, noyés, aux abords de Lesbos aussi. Voilà, ensuite, il y a eu cet incendie, du coup, il y a deux personnes qui sont mortes, donc ça avait l'air horrible. Effectivement, l'État a répondu juste en renvoyant des CRS supplémentaires, hein, sympa, ça fait toujours plaisir. Et là, du coup, dernièrement, alors c'est vraiment le sort qui s'acharne aussi, mais en fait, dernièrement, il y a eu des gros orages, des grosses pluies, en fait. Et du coup, de nombreuses tentes et affaires personnelles des réfugiés ont été emportées par le vent, l'orage et les eaux diluviennes. Et je crois qu'il y a eu encore des morts. Les semaines se succèdent et la souffrance continue après de nouveaux noyés aux environs, adultes et enfants, puis un petit garçon de 5 ans écrasé par un camion alors qu'il jouait dans une boîte en carton. Puis encore, il y a 5 jours, le gigantesque incendie qui a tué la mère et le bébé. Cette fois, les premiers orages de l'automne emportent les derniers espoirs des réfugiés de Lesbos. Voilà, c'est horrible. On peut lire aussi des infos sur Info Migrant, qui est quand même un site assez fiable et assez intéressant sur les informations par rapport aux migrants. Et du coup, aussi, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a dans ce camp, il y a des grosses intimidations de la part des flics, à tel point que même les journalistes, en fait, ont du mal à trouver des gens qui veulent bien témoigner et tout ça, parce que les gens qui témoignent ont tendance à subir des représailles derrière, etc. Et donc, un des trucs qui se passe, c'est que le gouvernement grec a dit qu'il veut renvoyer au moins 10 000 migrants vers la Turquie dans les prochains mois, alors que l'Union européenne ne veut toujours pas reconsidérer sa façon d'accueillir ceux qui ont vécu l'enfer dans les bombardements et la misère, et qui se retrouvent donc au bout du chemin dans un autre enfer, celui des camps. Bref, en tout cas, voilà, c'est ça qu'a annoncé la Grèce, de renvoyer 10 000 personnes vers la Turquie. Enfin, en fait, en Turquie aussi, j'ai l'impression des camps aussi qui, pareil, retiennent les migrants aux frontières de l'Europe, quoi, en fait. Enfin, l'idée, de toute façon, de l'Europe, c'est que les migrants, ils s'arrêtent à la frontière, ils soient retenus dans des hotspots, dans des campements à des endroits pour pas qu'ils aillent plus loin, quoi. Et du coup, c'est pour ça que les gens ont très, très peur aussi de parler dans ce camp, parce que du coup, bah, suite à l'incendie, il y a eu pas mal de journalistes qui sont venus aussi prendre des nouvelles, tout ça, etc. Et en fait, bah, les gens, ils veulent pas parler parce qu'en fait... Ils ont peur d'être sur la liste en fait des 10 000 migrants qui vont être déportés vers la Turquie. Voilà. Et du coup, oui, pardon, par rapport à Exarchia, là, ce qui se passe, c'est que du coup, on en a pas mal parlé dans les dernières émissions. Donc en ce moment, c'est un peu en stand-by, c'est-à-dire qu'il y a eu une expulsion d'un squat, notamment d'exilés à Exarchia, il y a au moins un mois. Et puis depuis, il n'y a pas eu trop d'autres évacuations de squats dans Exarchia même. Mais par contre, ces derniers temps, il y a eu au moins 3 squats qui accueillaient des exilés aussi, qui ont été évacués, donc pas dans Exarchia, mais dans les quartiers voisins, donc à Athènes. Dans les quartiers voisins d'Exarchia, il y a quand même 3 gros lieux qui accueillaient des exilés qui ont été expulsés. Voilà, bon bref, ça c'est ce qui se passe en Grèce, c'est horrible, mais en vrai il se passe des trucs horribles partout. Il y a encore aussi des gens qui sont en Méditerranée, enfin bref. Je pense qu'il vaut mieux avoir la rage plutôt que de pleurer, même si on a le droit de pleurer. Hein. Et qu'en vrai, il y a moyen de faire des trucs, quoi. Il y a moyen de faire des trucs si on s'énerve tous, en fait. On empêchera ces politiques de pouvoir s'appliquer, en fait. Voilà, et je pense qu'il est grand temps de réagir, quoi. On va écouter un morceau des Pussy Riot qui s'appelle Refugees In. Je vous laisse avec Pussy Riot. Reservoirs, governments here, fucking liars, desperate people who need to flee, seeking refuge by land and sea, push for borders, get no peace, fuck the police, like we are in Greece. Cage me in, cage me out, refugees in, Nazis out, governments here, shit feels a shame, fucking liars, you are to blame. Fuck the police. smash it up. Burst, blast, blow it up. Cage me in and cage me out. Refugees in, Nazis out. Governments here should feel the shame. Fuck you, Blairs. You are to blame. Cage me in and cage me out. Refugees in, Nazis out. Governments here should feel the shame. Fuck you, Blairs. You are to cage me in and cage me out. Refugees in, Nazis out. Governments here should feel the shame. Fucking liars, you are to blame. Bombing people out of homes. We want peace, not fucking drones. Push, push borders away. Push borders, do it today. Human beings, not as one. Injustice. Government norm. Governments here should feel the shame. Fucking liars, you are to blame.